L'actualité à Nancy et ailleurs. Direction le 1 place Maurice Ravel à Nancy pour la découverte de la MJC Beauregard. Et qui mieux que Lola, qui est chargée de communication de la MJC, pour nous en parler. Bonjour Lola. Bonjour tout le monde. Donc chargée de communication. Oui, depuis en service civique. Depuis le mois de juin maintenant. Une MJC, pour toi, c'est quoi? Une MJC, c'est un lieu où on pourra retrouver automatiquement des personnes super chaleureuses qui sont à l'écoute, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous apprendre des choses. On peut faire des ateliers, des formations, des concerts, d'autres événements même. Et on peut aussi profiter de cette salle de concert. S'il y a quelqu'un qui veut venir faire un concert, il y a des places, il y a des salles, il faut en profiter. On peut assister à des concerts, on peut faire des ateliers, on peut faire du sport. Il y a une activité en particulier qui a plus de succès aujourd'hui? Cette année, on a mis une nouveauté, le Hill Street Jazz, qui fait fureur. Franchement, C'est quoi? C'est une danse sur talons. Et du coup, ça fait sold out assez rapidement. Je reçois encore à l'heure actuelle des messages pour savoir s'il n'y a pas possibilité d'avoir une ou deux petites places. Et du coup, on essaye de les envoyer ailleurs, quoi, parce que malheureusement, on ne va pas les laisser non plus ne pas en profiter. C'est sûr que là, on est en plus début février, donc il y a pas mal d'activités qui ont déjà démarré, qui sont complètes. Donc là, il faudra peut-être attendre la rentrée de septembre pour s'inscrire. Oui, oui. Mais il y a des opportunités parfois pour venir quand même assister, découvrir. On peut venir faire des séances d'essai. Il y a des séances d'essai qui peuvent être mises en place. Après, ça c'est à voir directement avec la personne qui fait l'atelier. Mais oui, il y a possibilité d'essayer avant de s'inscrire, évidemment. Vous avez parlé de salle de concert. Vous avez accueilli il n'y a pas si longtemps que ça le duo Deferita, par exemple. Oui. Donc ça, c'est régulier aussi de pouvoir accueillir des artistes sur la scène de la MJC Beauregard. Oui, on le fait assez souvent et on essaye de le faire de plus en plus souvent aussi. On a l'avantage d'avoir une grande salle avec une capacité d'une centaine de personnes. Donc, c'est déjà un beau petit concert. Déjà bien, oui. Déjà aussi d'avoir pu accueillir Deferita, au final, qui avait fait les premières parties de Kenji Girac, etc. Enfin, c'était super cool, mais on en a aussi d'autres qui sont venus. On en a encore d'autres qui vont pas tarder à venir. Et voilà, c'est super. Donc, il y a déjà des concerts de programmés. Je crois que la prochaine date, ce sera plutôt aux alentours de la Saint-Patrick, c'est ça? C'est ça, le vendredi 17 mars à 20h30, si vous voulez, pour la Saint-Patrick. Vous n'êtes pas obligé d'être adhérent pour participer. Mais l'entrée, elle est à 8 euros quand même, je le préviens. Et on découvrira qui, alors? C'est un groupe de rock celtique qui s'appelle NAC, N-A-C. Qui a déjà quelques dates de concert dans la région à son actif. S'il y a des artistes qui nous écoutent et qui cherchent des scènes, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Ah, bien sûr, ils peuvent nous contacter pour nos événements qu'on aimerait mettre en place, ou même si eux-mêmes veulent faire leur propre événement, on peut faire un prêt de locaux, quoi, en fait, clairement. Dans toutes les MJC, en fait, c'est pour ça que j'incite tout le monde à aller vers les MJC. Tous les artistes qui cherchent à se développer, parce qu'au final, ça reste un lieu où c'est super accessible et en même temps, c'est un lieu où on peut regrouper assez facilement du monde. On a parlé d'un atelier danse qui avait beaucoup de succès, on a parlé de concerts, mais il y a encore plein d'autres choses qui se passent dans les MJC. Par exemple, je crois qu'il y a des Ripper Café. Ça consiste en quoi? Il y en a régulièrement, je crois. Personnellement, nous, à la MJC Beauregard, il y en a une fois par mois à peu près. C'est le samedi matin et en fait, c'est des réparateurs bénévoles qui viennent avec leur matériel et puis attendent les personnes qui veulent réparer leur machine à café ou même ma machine à laver ses cheveux. Et puis, si les bénévoles qui sont là, ils peuvent le faire, ils le feront. Et s'ils peuvent pas, malheureusement, ils le diront, quoi. Ils vont pas faire semblant, en tout cas. D'accord. En préparant cette interview, vous avez parlé d'un stage vidéo qui va arriver prochainement aux alentours des vacances, peut-être? C'est du 20 au 24 février. C'est un stage vidéo qui sera en partenariat avec les Frères Lunaires. Un stage qui permettra d'apprendre l'histoire du cinéma, de sa naissance jusqu'à maintenant, mais aussi un atelier d'écriture de scénario et la réalisation d'un court-métrage. Le stage, il est à 100 euros pour l'intégralité, mais sinon, à la journée, il est à 20 euros. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez appeler directement la MJC Beauregard. Voilà des idées d'activités pour les vacances scolaires qu'on n'hésite pas à vous contacter. Vous êtes en service civique au sein de la MJC Beauregard. Ça fait pas tout à fait un an encore. Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que c'est peut-être déjà une première expérience professionnelle pour vous? Oui, déjà justement, c'est l'avantage d'un service civique aussi, c'est de pouvoir accéder à des métiers plus simplement, on va dire. Mais moi, ce qui m'a marqué, ça serait pour le moment le premier événement que j'ai pu organiser. J'ai fait un événement avec des ateliers créatifs, ateliers d'écriture, initiation à l'art du graphe. Il y avait même un atelier débat. Après, il y avait une heure de hip-hop, etc. Et puis après, on a fait session jam, open mic. Les gens, ils avaient des instruments à disposition, des micros, et voilà. Et ça, c'était quand, ça? Le 11 novembre. Mais justement, j'en prépare un, là. Vous pouvez déjà réserver vos vendredi 19 mai. mais toutes les infos y viendront plus tard. Voilà, c'est en mai, c'est pas si loin que ça, mais il faut déjà se noter ça dans son agenda. Donc c'est une expérience que vous conseillez? Oui, oui, franchement, je pense qu'il n'y a qu'en service civique qu'on peut accéder si facilement. Et en plus de faire ça dans une MJC qui est aussi chaleureuse et qui est autant à l'écoute, et ben moi, ils m'ont tout de suite permis de faire un de mes rêves, entre guillemets, et du coup, bah, c'était cool. Au stade qu'on me demande de refaire un deuxième, donc pourquoi pas. Parce que ce qui caractérise aussi les MJC, c'est la multiplicité des personnes et des sensibilités qu'on peut croiser. Il y a des personnes qui viennent faire du yoga, d'autres qui viennent faire de la danse, d'autres qui viennent faire des ateliers vidéo. C'est une grande richesse aussi dans ces lieux-là. Oui, bah oui, et puis on a aussi le français et langues étrangères chez nous, et du coup, on rencontre beaucoup d'étrangers. Alors, vous pouvez nous expliquer, c'est quoi justement ces cours de français et langues étrangères? C'est justement les personnes qui ne savent pas forcément parler français ou qui veulent développer leur français. Ils ont juste à être adhérents, donc à 9 euros chez nous, et ça leur permet d'assister à des cours plusieurs fois par semaine, les matins, pour justement travailler leur français et leur permettre... de faire après leurs démarches administratives tranquillement ou quoi d'autre comme papier. Pour retrouver toutes les infos concernant la MJC, il y a sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, on est sur Facebook, mais il y a aussi sur le site internet directement. À chaque fois, je remets la nouveauté de toute façon. Pour résumer, prochaine actualité, le stage vidéo, c'est du quand à quand déjà? Du 20 février au 24 février aussi. La prochaine date de concert? Le vendredi 17 mars à 20h30. Et la prochaine soirée autour du hip-hop? Ce sera le vendredi 19 mai. Celle-là, vous la retenez bien. Je veux tous vous voir. Merci beaucoup, Lola. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.